Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAC sur Radioactive, l'émission qui vous parle de tout ce qui se passe autour de chez vous. Aujourd'hui, nous revenons de nouveau sur le forum Anime-toi du 24 septembre dernier, un forum à l'initiative du CCAS d'Amboise où étaient réunis des partenaires intervenant dans les champs de l'emploi, la formation, l'insertion. Après un premier volet dédié au bus de l'entrepreneuriat, je vous propose aujourd'hui de découvrir, si comptez que vous ne la connaissiez déjà, l'association Touraine Entraide. Implantée en Indre-et-Loire depuis 1987, cette association a pour objectif d'offrir des opportunités d'emploi à des personnes en les mettant à disposition de particuliers ou d'entreprises. Nous avons échangé avec Marie-Christine Mantel, chargée de mission et de placement au sein de l'antenne d'Amboise. Elle nous en explique son fonctionnement. Bonjour Marie-Christine. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est que Touraine Entraide ? Vous pouvez m'expliquer ? Touraine Entraide est une association intermédiaire pour la réinsertion par l'activité économique. Ça veut dire quoi ? Donc, nous proposons, Touraine Entraide, des missions de travail auprès des particuliers, entreprises, associations ou collectivités. Donc, dans les missions de ménage, repassage, d'accord, manutention, jardinage et petit bricolage. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de quelqu'un pour tondre ma pelouse, par exemple. Je vous appelle Marie-Christine et vous allez me trouver quelqu'un qui pourra faire ça ? Exactement, mais en priorité, il faudrait que le particulier ait du matériel, car nous ne fournissons pas le matériel. D'accord, donc j'ai ma tondeuse, j'ai mon débroussailleur et vous allez me trouver la personne adéquate qui va pouvoir venir me faire mon petit travail à la maison. Bien sûr, je choisirai la personne par rapport à vos travaux et je mettrai la personne en mission. Et alors, comment ça se passe après ? Je la rémunère, cette personne, ou je rémunère l'association qui, elle, après, se charge de rémunérer ? Oui, nous sommes l'employeur, donc qui fait que cette personne, elle part avec un contrat de mise à disposition. Hein, mais les heures effectuées chez le particulier, c'est son contrat. Et vous, vous attendrez votre facture au début du mois prochain pour nous payer. D'où le côté intermédiaire de l'association. Voilà, vous avez tout compris. Alors vous êtes placé à Amboise aux 2 rues de la Tour. On peut venir directement vous rencontrer. Il y a des permanences peut-être, des moments particuliers pour venir vous voir. Alors il vaut mieux appeler au 02 47 23 13 78 pour pouvoir prendre rendez-vous. Car quelquefois nous ne sommes pas toujours là. Donc il vaut mieux prendre rendez-vous et là je reçois la personne et, ou alors le particulier peut nous téléphoner et quand nous sommes là, ben, il n'y a pas de souci, on prend l'appel et on met la personne en mission, on peut tout faire par téléphone. C'est parfait, je vois que vous avez aussi une adresse email qui est amboise@touraine-entraide.fr sur laquelle on peut également rentrer en contact avec vous. C'est exact. Donc tous ces petits travaux, ça peut aussi être de l'aide à la personne ou ça c'est un autre... Non, c'est de l'aide à la personne. D'accord. En fait, c'est de l'aide au quotidien des personnes, aussi bien le ménage que le repassage et puis le jardinage. Ben, c'est tout ce qui est pelouse, taille de haie, fruitier, bêchage, jardinage. Voilà. De la main d'œuvre. Exactement. Alors Marie-Christine, est-ce que vous pouvez nous parler du profil des demandeurs d'emploi que vous accueillez et que vous accompagnez à Touraine Entraide ? Alors le profil des demandeurs d'emploi qui viennent chez nous, il faut qu'ils soient inscrits soit en France Travail, soit qu'ils touchent le RSA, des gens de moins de 25 ans ou plus de 50 ans, ou ceux aussi qui ont des problèmes de santé comme le RQTH, des handicaps, voilà la priorité de nos critères. Alors on parle d'association intermédiaire pour la personne qui va vous solliciter puisque vous allez tout gérer, oui, c'est-à-dire vous allez trouver la personne adéquate, vous charger de la partie administrative, etc. Mais c'est aussi intermédiaire pour le demandeur d'emploi qui passe par chez vous puisque le but, lui, c'est qu'il trouve un emploi de longue durée. Exactement, c'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement. On essaye de travailler sur un projet professionnel, comme une jeune qui arrive à l'association. Bien sûr, on va lui demander ce qu'elle veut faire ou qu'elle voudrait faire et qu'elle n'a jamais pu pouvoir le faire. Donc, on est là pour l'aider, c'est-à-dire travailler sur son projet professionnel. Alors, bien sûr, celui-là qui a plus de 50 ans, on ne va pas lui demander son projet professionnel. On va plutôt le former s'il y a des formations à faire pour compléter ou pour améliorer son train de vie et son travail. Très bien. Et là, aujourd'hui, sur ce forum Anime-toi, j'imagine qu'il y a des associations qui sont partenaires de Touraine Entraide avec lesquelles vous travaillez ? Bien sûr. Associations ou institutions, d'ailleurs. Bien sûr, évidemment. On travaille avec Objectif, Jardin des Contrats, France Travail. On est liés tous les uns auprès des autres. Dernièrement, il y avait le Jardin de Contrats qui m'a sollicité. Il avait une fille chez lui et donc, comme elle avait fini son contrat, il me l'a orientée vers Touraine Entraide. Et je vais lui donner des missions à partir du 1er octobre. Ah, ça, c'est un beau maillage sur le territoire. Je crois que des Touraines Entraide, il n'y en a pas que à Amboise. Non, il y en a aussi. Notre maison mère est à Fondette, 52 rue Eugène Gouin. D'accord, voilà. On salue votre collègue Camille, qui n'est pas très loin. Bien sûr, ma collègue Camille qui vient deux fois par semaine à Amboise. Voilà, donc on essaye de travailler ensemble sur l'accompagnement des gens et plein de bonnes choses. Eh bien, on va rappeler le numéro de téléphone de Touraine Entraide Amboise pour les auditeurs qui nous écoutent et auraient besoin de petits services à leur domicile. Donc le 02 47 23 13 78. 13 78, c'est parfait. Merci beaucoup Marie-Christine Mantel. Je rappelle que vous êtes chargée de mission et de placement pour l'association Touraine Entraide, une association intermédiaire. Merci beaucoup. Merci à vous.